Comment dit-on aller? Gehen. Gehen. Avec er, il, sie, elle et es, ça, le verbe finit en t. Comment diriez-vous ça va très bien? Ça va? Es geht. Bien. Es geht. Alors, encore une fois, ça va se dit? Es geht. Es geht. Oui. Et donc, ça va très bien? Es geht sehr gut. Es geht sehr gut. Geht. Donc, avec il, er, elle, sie ou ça, es, le verbe ici, gehen, prend bien un T final. Es geht. Nous avons par ailleurs vu que werden prenait la forme er wird avec un D, avec il, elle, ça. Quant aux verbes porte-manteau, ils ont des formes plus éloignées de l'infinitif pour il, elle, ça. De plus, pour ces verbes, on emploie la même forme pour il, elle et ça que pour je. Par exemple, pour wollen, vouloir, je veux se dit ich will et il veut er will. C'est la même chose pour müssen, devoir. Je dois, ich muss, et il doit, er muss. Mais revenons à gehen. Comment diriez-vous comment ça va? Comment? C'est un de ces petits mots qui commence par wie. Wie. W-I-E. Wie. À vous. Wie. Comment ça va? Wie geht es? Geht. Geht. Du verbe gehen. Geht es. C'est geht. G-E-H-T. Le son E est long car on a un H après le E. C'est comme pour sehr. Sehr qui s'écrit S-E-H-R. Sehr. On a donc geht. Wie geht es? Comment ça va? À vous. Wie geht es? Bien. Wie geht es? Dans le langage courant, on dit souvent geht's au lieu de geht es. Geht's. Geht's. Vous entendrez donc souvent dire wie geht's? Wie geht's? À vous. Wie geht's? Wie geht's? C'est ça. Ça veut dire « comment ça va ?»« Wie geht's ?» Mais si vous vous adressez à quelqu'un que vous vous voyez, vous pouvez aussi demander « comment ça va, vous ?» Ou « vous », c'est en fait « à vous ». « Comment ça va, à vous ?» C'est-à-dire « Ihnen ».« Ihnen ». Donc, « comment ça va, vous ?»« Wie geht's Ihnen ?»« Ihnen ». I majuscule H-N-E-N. Ihnen. Oui, donc, wie geht's Ihnen? Wie geht es Ihnen? Wie geht's Ihnen? Si vous voulez répondre, je vais très bien, vous direz, ça va très bien, moi. Avec la forme pour dire à moi, donc, ça va très bien à moi. Ça va? Es geht. À moi. Es geht. Es geht mir. Très bien. Sehr gut. Es geht mir sehr gut. Oui. Es geht mir sehr gut. Encore une fois, ça va très bien, se dit? Es geht sehr gut. Es geht sehr gut. Et tout va très bien? Tout c'est Alles. Alles. Oui, très bien. Donc, tout va très bien. Alles geht sehr gut. Gut. Gut. Bien. Alles geht sehr gut. Donc, gut, ça veut dire à la fois bien et bon. Alors que mieux, meilleur, se dit besser. B-E-2-S-E-R. Besser. En français, bien est très éloigné de mieux. Eh bien, c'est la même chose en allemand, où besser ne ressemble pas du tout à gut. À vous de le dire. Besser. Besser. Oui, c'est donc mieux. Quant au mot pour beaucoup, on l'a déjà vu pour dire combien, qui mot à mot se dit comment beaucoup. Donc, combien c'est? Wie viel? Wie viel? Combien? C'est ça. Avec wie, qui veut dire comment, et viel, qui veut dire beaucoup. Donc, beaucoup, c'est viel. Vielen Dank, par exemple, c'est beaucoup de merci, c'est-à-dire merci beaucoup. Et comment diriez-vous « je vais beaucoup mieux aujourd'hui » ? Au lieu de « je vais » en allemand, on dit « ça me va »,« ça va moi ». Avec pour « me »,« moi », la forme correspondant à « à moi ». De la même manière, pour demander à quelqu'un que l'on vous voit comment ça va, on dit « comment ça vous va ?»« Comment ça va vous ?» Avec pour « vous », la forme correspondant à « à vous ». On a alors « wie geht's ?»« Wie geht es Ihnen ?» et donc la réponse « oh, ça va beaucoup mieux aujourd'hui », c'est-à-dire « ça me va, ça va moi beaucoup mieux aujourd'hui », avec « me » dans le sens de « à moi », ça donnerait « es geht mir oui. sehr gut ». Sehr gut, ça veut dire très bien. Comment dit-on beaucoup mieux? Viel besser? Aujourd'hui? Heute. Bien. Es geht mir viel besser heute. Et tout va beaucoup mieux aujourd'hui, se dira? Alles geht. Beaucoup mieux. Viel besser. Aujourd'hui. Heute. Bien, alles geht viel besser heute.